Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce numéro du métal, ce rendez-vous du métal pour la 767e fois. Et oui, comme le temps passe vite, bientôt 18 ans d'Electric Shock sur Radio Arc-en-Ciel. C'est vrai que je n'ai pas vu le temps passer. Alors ce soir, ce qui vous attend, eh bien, bon, quelques petits retours dans le passé, et puis surtout quelques nouveautés. Bien sûr, et il y aura également aussi, en fin d'émission, un hommage à Cliff Burton, le bassiste de Metallica, qui nous a quitté fin septembre 86. Tous les ans, vous savez, on se fait un petit hommage, bien sûr. Eh bien, actualité oblige, on va commencer tout de suite par un groupe qui va fêter ses 40 ans de carrière, là. C'est Europe, et Europe va faire une date à Paris, ce sera samedi prochain, pas le 7, mais le 14, à la salle Playel à Paris. Donc ils revisiteront, ce sera dans le cadre d'un événement An Evening With, c'est-à-dire à mon avis pas de première partie, mais vraiment on va avoir, je pense, tous les classiques plus quelques morceaux oubliés, donc pour les fans vont être vraiment ravis. Alors pourquoi je vous en parle cette semaine et non pas la semaine prochaine comme initialement prévu? Alors je vous annonce tout de suite, la semaine prochaine il n'y aura pas d'Electric Shock sur Radio Arc-en-Ciel. D'ailleurs il n'y aura pas d'émission à partir de mardi jusqu'à la fin de la semaine, car je vous le dis franchement, il y a des travaux qui vont être faits, donc rassurez-vous, c'est pour vous chers auditeurs, car nous aurons du meilleur matériel après à vous proposer, donc un meilleur son, donc ce sera pour la bonne cause. Donc eh bien, avant de célébrer les 40 ans d'Europe, on va célébrer les 30 ans du groupe. À l'époque, c'était au Sweden Rock, où le groupe nous lâchait un Last Look at Eden d'anthologie. Bon, je vous ferai pas l'injure de vous dire le titre, si quand même, allez, vous avez reconnu je sans problème The Final Countdown, le titre entre guillemets de Europe, extrait du album Live at Sweden Rock 30th Anniversary Show, et juste avant Last Look at Eden, et tout ça c'est pour faire un petit coucou au groupe qui va fêter ses 40 ans de carrière, donc samedi prochain le 14 à Paris à la salle Playel, et ne cherchez pas à avoir des places, c'est complet, archi complet depuis déjà un bon bout de temps. Changeons de style maintenant avec quelque chose de tout doux, tout gentil, avec la première nouveauté de la semaine, avec ce qu'on pourrait appeler un super groupe qui s'appelle A7. Alors A7, c'est composé de membres de groupe 7 et de Oranzi Pazuzu. Là, vous dites douceur, oui, enfin, c'est la fine fleur du metal français et du black metal français et un groupe finlandais. Tout ça, ça nous donne un excellent premier album, enfin pour tous ceux qui aiment le style, bien sûr, qui s'appelle Astral Rape. Alors si vous aimez le black metal épique qui fait froid dans le dos, bah, je pense que vous allez adorer. A Light in Disguise, qui est le titre qui ouvre l'album, va vraiment nous vous donner, je pense, quelques petits frissons. La Tempête. C'était donc les Harpies de Crypta, revenus du Brésil, et leur deuxième album Shades of Sorrow, et c'était The Outsider. Juste avant Crypta, la première nouveauté de la semaine, avec le premier album de groupe A7, composé de membres de Seth et de Oranzi Pazuzu, qui s'appelle Astral Rape, et c'était A Light in Disguise. On va changer maintenant complètement de style, et puis, bah tiens, je vais vous parler un petit peu comme ça du concert de Robert John and the Wreck, qui nous ont délivré à Talcy, on va dire entre Beaugency et Blois, dans un endroit assez perdu mais vraiment magnifique. C'est une grange aménagée qui contient 200 personnes et croyez-moi, c'était complet depuis un bon moment. Ça prouve que le bougre attire du monde. Et Robert John and the Wreck, et ben j'ai eu la chance de faire une petite interview juste avant le concert. Alors ça s'est fait un petit peu à l'arrache, alors j'ai pas pu poser toutes les questions que j'aurais souhaité, mais enfin bon, le principal c'est ça. Et ben ça, faudra patienter quelques semaines pour que je vous puisse vous la diffuser. Enfin, un des morceaux forts de ce concert qui a été vraiment magnifique, si vous aimez ce style, bien sûr, c'était Cold Night, un morceau fabuleux qui est un peu le Freebird de Robert John and the Wreck. Et là, on va se faire la version du live à The Ancienne Belgique, sortie au printemps dernier. I have one more big shout-out to Hanson Productions for putting this on along with the Tunisian music. We love you, John. He couldn't be here because he's stuck in California because he doesn't know what's good for himself, but... Wow, que dire après ça? Cold Night, donc c'était un extrait du live, du CD-DVD live à The Ancienne Belgique de Robert John and the Wreck. Robert John and the Wreck que vous retrouverez prochainement en interview dans Electric Shock. Restons en live, mais quelque chose de très différent, puisqu'on va aller faire un petit tour à l'église de Wacken, où Taria, l'ancienne chanteuse de Nightwish, a été se recueillir, enfin, je suppose, et en même temps en profiter pour délivrer un petit concert un peu particulier, puisque pour ça, c'est en ambiance vraiment classique, puisque ses musiciens habituels les a laissés à l'hôtel, et elle s'est entourée donc d'un violoncelliste, enfin bon, celui-là, il est sur scène avec elle habituellement. Une violoniste et un pianiste. Alors tout ça, ça nous donne des reprises de métal assez surprenantes, complètement revisitées. Bon, la semaine dernière, vous avez passé du Slipknot. Non, qu'est-ce que je raconte comme connerie? Pas du Slipknot, du Linkin Park et du In Flames. Là, on va se faire un classique de Megadeth qui est à l'origine figurait sur l'album Trust. C'est le morceau Trust. Voilà, je sais même plus ce que je dis. Extrait de l'album Cryptic Greetings qui était sorti en 1997. Et là, en live, en version quasiment... on va dire musique de chambre, voilà ce que ça nous donne. Donc extrait du Walking Hills Live at Metal Church. Smile and say yeah, and I- Triturez pas le bouton de votre poste. Non, vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et c'est bien Electric Shock en ce moment sur Radio Arc-en-Ciel comme tous les mardis soirs entre 19h et 21h. C'était Tarja Turunen, donc l'ancienne chanteuse de Nightwish, qui reprenait à l'instant le classique de Rammstein On a Dish, alors je m'excuse pour mon allemand. Et juste avant, on a eu la reprise de Megadeth Trust, donc tous deux extraits donc du live Rocking Hills Live at Metal Church, sorti cet été. Eh bien, on va continuer avec la deuxième nouveauté de la soirée, avec un groupe qui nous vient de la région parisienne, qui s'appelle Raspy Junker. Alors, Raspy Junker, on vous en a déjà diffusé, puisque leur précédent album était sorti en 2017, et je me souviens avoir passé pas mal d'extraits, d'ailleurs, de cet album qui s'appelait World of Violence. Alors, pour petit rappel pour ce groupe, donc, ils existent depuis une dizaine d'années, ils ont déjà sorti un EP et un album. Alors, ce qu'on peut dire de ce groupe, c'est que ils se disent eux-mêmes influencés par Metallica, Alice in Chains, plein d'autres choses. Moi, je dirais un petit peu Hellstorm, parce qu'il faut dire que la chanteuse a quand même une voix assez puissante qui va très bien avec le style. Seul défaut que je trouverais à ce groupe, c'est sa diction qui, je trouve par moments laisse à désirer. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'elle chante. Il faudrait peut-être qu'il y ait les paroles avec, parce que c'est vrai que j'ai vu la version promo. Sinon, c'est musicalement, c'est parfait, ça envoie ce qu'il faut. Il y a de très bonnes choses sur ce nouvel album qui s'appelle donc Bad Queen. Eh bien, tout de suite, là, il nous invite à faire quoi ? À commencer une révolution. Start a Revolution, ça va être le titre de ce soir. 45e rentrée pour nos écolières préférées, d'où le titre de leur album WT45. Ben, j'espère qu'il y en aura encore beaucoup plus. Donc Girls School avec Cold Dark Earth, extrait donc dernier album. Juste avant, c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée avec les Parisiens de Raspy Junker et leur deuxième album Bad Queen et le morceau Start a Revolution. Maintenant, changeons complètement de registre avec quelque chose de beaucoup plus ouaté et restons bien chez nous à Orléans avec le groupe Pledge of Healing. Il a sorti donc son premier album au mois de janvier qu'on diffuse déjà depuis plusieurs semaines. Donc, extrait de One Step Closer, Thrill Ride. It's Petit duo orléanais, donc à l'instant, Sika avec son extrait de son premier album It's Time, c'était le morceau Enjoy. Et Sika qui sera en concert donc au Dropkick samedi 14 à partir de 20h en compagnie du groupe Namida qui vient de la région parisienne. Juste avant Sika, eh bien, oui, orléanais également, Pledge of Healing et leur premier album One Step Closer, c'était Free Ride. Et petit aparté, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis Targa, il n'y a que des groupes avec des voix féminines. Eh ben, je dois avouer que tout ça à la suite, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je vous jure, quand j'ai fait l'émission, j'ai pas du tout pensé à ça. En attendant, tiens, on va se revenir au live posthume de Rory Gallagher, All Around Man, Live in London, qui est sorti cet été, qui est donc une compile de deux concerts enregistrés à Londres en 1990, juste avant, au moment de la sortie de son ultime album studio, Fresh Evidence. Et ben, on va se faire, un petit extrait donc qui était à l'origine sur Defender, sorti en 1987, le morceau Continental Hop. We'll be right back. Qu'est-ce que ça fait du bien, c'est toujours bon à entendre ça. Le regretté Rory Gallagher avec donc deux extraits de son live sorti cet été, All Around Man Live in London, enregistré donc à Londres en décembre 1990. À l'instant, c'était Heaven's Gate et avant le morceau Continental, hop! Troisième nouveauté maintenant d'un registre complètement différent, c'est ça Electric Shocks, hein, c'est tous les styles et sous-genre. Avec le deuxième album solo de Corey Taylor, le chanteur de Slipknot, qui a sorti un nouvel album qui s'appelle CMF2, tout simplement. Alors, est-ce que c'est du Slipknot? Est-ce que c'est du Stone Sour? Alors, certains morceaux auraient pu figurer sur certains albums de Stone Sour, en plus punk, quand même, quelque part. Il y a aussi des petites choses qui auraient pu être sur Slipknot, mais il y a aussi des choses un peu plus étranges, comme des ballades, des choses comme ça, enfin, qui prouvent bien que le monsieur avait vraiment envie de faire autre chose en dehors de son groupe habituel. Le morceau de ce soir, par contre, on va rester en terrain connu, puisque, ouais, je pense que ce morceau aurait pu être sur un album de Slipknot, quoique celui est en moins punk, quand même, voilà. All I Want Is Hate, qu'on va découvrir tout de suite maintenant. Ce petit moment de douceur vous est offert par Electric Shock. Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Empire State Bastard avec leur premier album Rivers of Heresy. Et Empire State Bastard, donc composé de membres de Biffy Clyro, Simon Neal, le chanteur, et Mike Vennard, le guitariste, ainsi que Dave Lombardo, qu'on ne présente plus, à la batterie, Ex Slayer, Testament et j'en passe, et des meilleurs. Maintenant, passons à quelque chose de beaucoup plus 70s. Effectivement, quand on écoute ce groupe, on se dit, ouais, là, on pourrait croire que le temps, on a fait un bond dans le temps de 50 ans avec le live de Uncle Acid and the Dead Beats. Des tempos bien écrasants, mélange de stoner, de métal, de plein de choses. Donc, extrait de leur premier live, Slaughter on the First Avenue, qu'on vous a présenté la semaine dernière, c'est Death's Door. Clair que l'ombre de Black Sabbath flotte sur Uncle Acid and the Dead Beats, comme on a pu se rendre compte sur ce morceau Death Door, extrait de leur premier live Slaughter on First Avenue, sorti cet été. Allez, maintenant un petit peu de death metal de Toulouse, et on va revenir au deuxième album de Tempt Fate, sorti récemment, qui s'appelle Holy Deformity, et on va se faire un petit brûlot qui s'appelle G.I.D. Hop, s'il veut bien partir, voilà. Yeah. Battlefield, extrait de Abyss, le dernier album de Forest in Blood que vous commencez à connaître. Ça fait déjà pas mal de semaines qu'on en diffuse. Et juste avant, c'était donc Tempt Fate, qui était une des nouveautés de la semaine dernière, avec leur deuxième album Only Deformity et le morceau G.I.D. On va se faire la dernière nouveauté de la soirée avec un groupe quelque peu improbable qui s'appelle Unspeakable, mais sans voyelle. Alors, imaginez la rencontre d'un batteur de jazz, voire de noise, qui vient de Lozère, un bassiste de la scène punk parisienne des années 2000, un chanteur anglais, et une guitariste de Montpellier, qui a de 10 ans, leur cadette. Alors tout ça, ça nous donne un registre rock, un peu 80s. On pense un petit peu à Killing Joke, The Sound, Succession, Benchies, Bauhaus, des choses comme ça. Moi, ça m'a fait penser à Police, par moments aussi, enfin bref. Découvrons ça tout de suite. L'album s'appelle Reconstruction et All Stories Told va être le morceau de ce soir. Soen avec Mémorial, extrait donc de l'album du même nom d'ailleurs, Soen, qui sera en concert à l'Élysée Montmartre le dimanche le 15 octobre prochain. Juste avant, c'était la quatrième et dernière nouveauté de la soirée, le groupe Unspeakable avec leur premier album Reconstruction, et vous avez vu droit au morceau All Stories Told. Eh bien, il va être bientôt temps de se quitter, mais on va se faire un dernier morceau. Et on va terminer avec un morceau en hommage à Cliff Burton, l'ancien bassiste de Metallica, qui a disparu d'un accident de la circulation le 27 septembre 86. Vous voyez, j'ai maintenant 37 ans. Et pour ça, on va revenir au premier album de Metallica, qui lui célèbre ses 40 ans, bien sûr, le Kill 'Em All, avec le morceau qui résume tout le groupe, The Four Horsemen. Sound The Force Man de Metallica, de extrait de Kill 'Em All. Voilà, ce sera donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Eh bien, merci d'avoir été encore une fois à l'écoute de votre magazine du métal. Alors, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, il n'y aura pas d'Electric Shock. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas d'émission du tout, mais c'est pour la bonne cause, puisque c'est pour des travaux dans le studio. Donc, ce sera pour notre un meilleur confort d'écoute. Donc, on se retrouve dans 15 jours. Et dans 15 jours, eh bien, nous aurons normalement des invités, puisque normalement, je devrais recevoir Roger Chauveau et son associé Bruno, qui vont nous parler du salon du disque et de la BD qui aura lieu donc le dimanche 22 octobre à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Enfin, toujours est-il que si la semaine prochaine vous n'aurez pas d'Electric Shock ni Electro Live, là par contre vous l'aurez, parce que vous l'avez, puisque Christophe il est là, il est tout prêt. Donc ce soir on commence le Before the Weekend, c'est ça? Ouais, salut Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Un set plutôt house ce soir avec une playlist de à peu près 80-90 titres, 40 news, à peu près la moitié, comme d'hab. Si vous voulez connaître les titres, je vous laisse liker, enfin aller sur mon site, sur mon compte perso Insta, Chris Space, avec DJ devant. Si vous êtes patron de club, organisateur de festival aussi. Et je laisserai la playlist, je vais jouer ce soir dessus. Voilà, et puis donc si vous avez partenu, n'hésitez pas à appeler l'ami Christophe pendant l'émission, il vous fera une joie de vous le rappeler. Ouais, contactez-moi sur Insta, ça sera plus simple. Chris Space. Eh bien donc, je vous dis à dans 15 jours. En attendant, Electro Live, c'est tout de suite maintenant avec Christophe. Salut à tous.